Mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera ou je la mettrai dans un couvent. Vous ? Moi ! Bon ! Comment bon ? Vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent ? Non ! Non ! Non ! Ouais, voici qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux ! Non, vous dis-je ! Qui m'en empêchera ? Vous-même. Moi ? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque pas. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra pas. Une petite larme ou deux, des bras jetés au cou, mon petit papa mignon prononcé tendrement, sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Oui, oui. Je vous dis que je n'en déborderai point. Bagatelle. Il ne faut pas dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon. Et je suis méchant quand je veux. Doucement, monsieur. Vous ne songez pas que vous êtes malade. Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Où est-ce donc nous sommes ? Et quelle audace est cela, une coquine de servante, de parler de la sorte devant son maître ? Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Insolente, il faut que je t'assomme. Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui me peuvent déshonorer. Bien. Viens que je t'apprenne à parler. Je m'intéresse comme je dois, ne vous pas laisser faire de folie. Ah, chienne ! Non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Condamne ! Je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diafoirus. Carogne ! Et elle m'obéira plutôt qu'à vous. Ah, Angélique, tu ne veux pas m'arrêter cette coquine-là. Mais mon père, ne vous faites point malade. Si tu ne me l'arrêtes, je te donnerai ma malédiction. Et moi, je la déshériterai si elle vous obéit. Oh, je n'en puis plus. Voilà pour me faire mourir.